Sorgia FM. Sorgia. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Une émission proposée par Hubert Ledent. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans cette émission qui s'intitule « Dansez maintenant ». Pourquoi ? Parce qu'elle est consacrée évidemment à la danse, mais aussi à l'accordéon et à la chanson française. Que du bon, que du beau quoi. Tout simplement, bienvenue à toutes et à tous. Dansez maintenant. Le show va commencer, le spectacle, grand spectacle de la chanson française, de l'accordéon et de la danse, grâce à Arlette par exemple, qui nous parlera d'un chanteur ou d'une chanteuse, je crois que c'est un chanteur cette semaine, et puis l'accordéon sera mis à l'honneur, lui, par monsieur Christophe Pesset, monsieur spécialiste de l'accordéon, rien que pour vous, dansez maintenant. Dansez maintenant. Sorgia FM. Et pour débuter cette émission, une voix exceptionnelle pour une chanson qui l'est tout autant, Parlami d'amore Mario, interprétée ici par monsieur Patrick Fiori. Come sei bella, più bella stasera, Mario. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà. Oggi ti sono vicino perché sospirar non pensar. Parlami d'amore Mario, tutta la mia vita sei tu, gli occhi tuoi belli il brillano, fiamme di sogno scintillano. Che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. Yeah. Je vous l'avais dit, hein, comment rester de glace face à une voix aussi exceptionnelle? Par l'ami d'Amour et Mariou, belle interprétation de monsieur Patrick Fiori. On va retrouver un autre monsieur, celui de l'accordéon, qui est un spécialiste, on lui dit, il faut le dire. Il s'appelle Christophe Pesset et cette semaine, il va nous parler d'un accordéoniste des Vosges. Accordéon Nouvelle Vague, Christophe Pesset sur Sorgia FM. Bonjour, bonjour. Cette semaine, nous allons voyager. Oh, attention, tout reste relatif. Direction les Vosges. On va parler de Martial Villemain. Il vient de sortir un nouvel album. Alors, rien de tel que de l'écouter. Tout d'abord, place à la danse en ligne. Vous nous la réclamez souvent dans l'été dansant, dans les dancings, la Paloma Blanca. Una Paloma Blanca, Martial Villemain. Martial accordéoniste, mais aussi chanteur. Le morceau qui va suivre, c'est une très belle valse qui s'appelle La Glisse. Quand on arrive de station de ski, bien on sait de quoi on parle. Place à Martial Villemain. La Glisse, La Glisse, La Glisse. glisse, la glisse, c'est un jeu très excitant. La glisse, la glisse, la glisse, la glisse, je tiens ça de mes parents. La glisse en hiver, la glisse en été, je n'arrête pas d'y penser. La glisse en hiver, la glisse en été, je n'arrête pas d'y penser. Quand vient la saison des vacances, de la montagne je m'élance, pour arriver dans la vallée, et puis après je recommence. Autant de fois si j'ai la chance, je suis toujours prêt à grimper, toujours plus haut, rien n'est plus beau, je suis toujours prêt à grimper. Pour me voir les filles appliquent, c'est un moment hyper branché, y a plus qu'à se laisser glisser. L'eau ruisselle sur ma peau bronzée, Rocky peut aller se rhabiller. Toujours sur l'eau, je fais le beau, Rocky peut aller se rhabiller. La glisse, la glisse, la glisse, la glisse, la glisse, la glisse, la glisse, la glisse en hiver, la glisse en été, la glisse en hiver, la glisse en été, je n'arrête pas d'y penser. Je n'arrête pas de penser à la glisse, voilà une belle promotion pour nos stations de ski. Alors, on poursuit tout de suite avec un petit tango, toujours Martial, notre Vosgien, qui va vous interpréter l'étoile du tango. L'univers d'Arlette sur Sorgia FM. Chaque semaine, elle est là pour nous faire redécouvrir un artiste, un grand artiste en général, il faut le dire. Elle s'appelle Arlette et ça tombe bien, elle est là avec nous dans le studio. Hello, bonjour à tous, bonjour Hubert. Bonjour Arlette, encore une star. Et oui Hubert, et c'est une grande vedette d'après-guerre. Je m'en doutais. Que nous mettrons à l'honneur aujourd'hui. Et qui c'est ? Marcel Mouloudji. Ah oui. Est-ce que ce nom te dit quelque chose ? J'hésite un petit peu. Bien sûr, tu es trop jeune. Non. Mais ses chansons virevoltent encore aujourd'hui dans nos têtes. Non, je ne suis pas si jeune que ça, je connais. Mouloudji, né en 1922 à Paris, est un chanteur, auteur, compositeur, interprète, peintre et comédien français d'origine algérienne. Après une enfance difficile et sorti d'une adolescence très politicienne, en 1936, Mouloudji commence une carrière de cinéma en tant que figurant dans de nombreux films. Très très bien tout ça. Pendant la guerre, il vit dans une semi-clandestinité. Mais après la guerre, il est une figure de la vie artistique de Saint-Germain-des-Prés. Oui, il est entré dans le monde de la chanson. Il obtient son premier grand succès dans la chanson grâce à son interprétation de la complainte des infidèles, extraite du film « La maison de Bonadieu » en 1951. « La complainte des infidèles ». Bonnes gens, écoutez la triste ritournelle des amants errants en proie à leur tourment. Parce qu'ils ont aimé des femmes infidèles qui les ont trompés ignominieusement. Méfiez-vous, femmes cruelles, qu'on vous en fasse tout autant. La douleur n'est pas éternelle, même chez le meilleur des amants. Vaincus par vos propres armes, vous connaîtrez à votre tour et le désespoir et les larmes de la jalousie et de l'amour. Cœur pour cœur, dent pour dent, telle est la loi des amants. Cœur pour cœur, dent pour dent, telle est la loi des amants. Bonnes gens, c'est le refrain des filles cruelles. Sans foi ni serment, trompées par leurs amants. Parce qu'ils ont aimé des femmes infidèles, ils se sont vengés victorieusement. À pleurer, mes tourterelles, vous voilà en peine d'amant. Des inquiétudes mortelles, c'est vous qui connaissez le tourment. Répandez vos jolies larmes, oui, pleurez, c'est bien votre tour. Vous avez dû rendre des armes et l'amour est mort, vive l'amour. Cœur pour cœur, dent pour dent, telle est la loi des amants. Cœur pour cœur, dent pour dent, telle est la loi des amants. En 1952, Jacques Canetti, patron du cabaret Les Trois Baudets à Paris, entraîne Mouloudji vers le succès dans la chanson. Il lui fait enregistrer Comme un petit coquelicot, qui obtient le grand prix du disque en 1953. Comme un petit coquelicot, on l'écoute. Le myosotis et puis la rose, ce sont des fleurs qui disent quelque chose. Mais pour aimer les coquelicots et n'aimer que ça, faut être idiot. T'as peut-être raison,

très banal, sous un ciel plein de brume et de mélancolie. Un aveugle jouera l'orgue de barbarie. Cette ère pour nous sera le plus beau, le plus joli. Puis je t'inviterai, ta taille je prendrai. Nous danserons tranquilles loin des gens de la ville. Nous danserons l'amour, les yeux au fond des yeux, vers une fin du monde, vers une nuit profonde. Un jour tu verras, l'on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidés par le hasard. Nous nous regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons. De 36 à 77, en tant que comédien, il participe à 7 comédies musicales et plus de 50 films. Dans ce même temps, il enregistre « Le Déserteur », chanson de son ami Boris Vian, ainsi que des chansons de Jacques Prévert, dont il fait la musique. Puis, en 1955, c'est la Complainte de la Butte qui obtient un succès mondial. Une jolie valse. On l'écoute, la Complainte de la Butte. En haut de la rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue s'aimèrent l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revue. Cette chanson il composa, espérant que son inconnue un matin de printemps l'entendra quelque part au coin d'une rue. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein de trous. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Je sens sur tes lèvres une odeur de fièvre, de gosse mal nourrie. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Mais voilà qu'il flotte, la lune se trotte, la princesse aussi. Sous le ciel sans lune, je pleure à la brune. Mon rêve évanoui. Je ne m'en lasse pas de cette chanson. Après avoir créé sa propre maison de disques, en 1976, Mouloudji enregistre une anthologie du Musette avec l'immense accordéoniste qu'est Marcel Azola. Évidemment. Dont notre ami Christophe parlerait certainement mieux que moi. Titre de l'album et sa tournée. Rien de mieux pour danser. En 1980, Mouloudji est passé de mode.

de l'amour fou, de l'amour fort. Parle plus bas, car on pourrait bien nous surprendre. Tu sais très bien qu'il ne voudrait jamais comprendre que dans nos cœurs, moi j'ai trouvé ce que le monde refusait de nous donner. De l'amour fort. Parle plus bas, car on pourrait bien nous entendre. Tu sais très bien que nous ne pouvons rien attendre de ceux qui ont fait des chansons sans un je t'aime ou la maintenant sur Sorgia FM. Allez, vous avez été nombreux à nous réclamer ce coup d'ouro que voici. Quand on aime bien s'amuser, oui c'est vrai qu'il existe une danse qui est magique, la plus belle des musiques. C'est vrai qu'il n'y a pas de mots. Et quand on danse le coup d'ouro, on va danser le coup d'ouro. On aime le tempo, un pied devant, les bras en haut. C'est ça le coup d'ouro. Cette danse est venue s'inviter à l'improviste. Que vous soyez débutant ou bien des spécialistes, on ne sera pas critique, car on est des fanatiques. Pas de prison, de barreau. Quand on danse le coup d'ouro, on va danser le coup d'ouro. On aime le tempo, un pied devant, les bras en haut. C'est ça le coup d'ouro. Sorgia. C'est une archive exceptionnelle, une petite place dans ton cœur, Patricia Lavilla. Fais-moi vite une petite place dans ton cœur, une petite place dans tes rêves, une petite place n'attend plus. Oh, fais-moi vite une petite place dans ton cœur, une petite place dans ta vie, une petite place et rien de plus. Allez, on va retrouver l'accordéon et la suite de la rubrique de Christophe Pesset, Accordéon Nouvelle Vague. Sorgia FM. Sorgia. Accordéon Nouvelle Vague, Christophe Pesset sur Sorgia FM. Deuxième partie de cette rubrique accordéon consacrée à notre accordéoniste des Vosges. Il s'appelle Martial Villemin. On va tout de suite le rejoindre en Espagne. Pour un petit paso doble, celui-ci s'appelle le Paso del Mundo, autrement dit le Paso du Monde. Allez, direction le soleil. Thank you. Paso del Mondo. On va continuer avec une danse en ligne. En plus, c'est bien un morceau que j'ai eu le plaisir de co-signer avec Cyril Renaud. Ce morceau s'appelle Toto Tarantelle. Je crois que c'est la première fois que je l'entends jouer par un accordéoniste. Allez, c'est parti. Que tout comme moi, vous étiez en train de taper dans les mains à la fin du morceau. Eh bien, c'est ainsi que va se terminer non pas ce petit clin d'œil italien, mais aussi le petit clin d'œil à notre ami accordéoniste des Vosges, Martial Vima. En tout cas, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine. Et j'oserais dire, dis donc, un morceau, ah, qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Quand je vois tes yeux. Eh bien, merci, bonne semaine et à très bientôt. Bonne écoute, au revoir. piste. Et il va falloir choisir de partir. Malheureusement, c'est la fin de cette émission. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, même heure, même station. Au revoir à toutes et à tous. Je vous embrasse. Il y a toujours celui qui reste. Et toujours celui qui s'en va. Une victoire, une défaite. Tu as gagné, tant mieux pour toi. Tu ne sais pas quoi me répondre en me voyant si malheureux. Va, ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est que la fin de nous deux. Ça pleure aussi un homme. Ça oublie sa fierté. Aussi fragile qu'un homme qu'on a laissé tomber. Qu'il soit le roi. Ça pleure aussi un homme quand il a du chagrin. Tant pis si j'ai le mauvais rôle, et tant mieux si quelqu'un t'attend. Moi t'en vouloir, mais tu es folle. téléphone-moi de temps en temps. Tu vas me faire des bleus à l'âme en montant seul dans ce taxi. Pourtant je retiendrai mes larmes jusqu'à ce que tu sois parti. Ça pleure aussi un homme, ça oublie sa fierté, aussi fragile qu'un membre qu'on a laissé tomber. Ça pleure aussi un homme quand il a du chagrin. Sorgia FM. Sorgia FM.